arrive, vous lui dites bonjour monsieur. Sauf que c'est raté parce qu'il n'a que 7 ans par exemple, et les enfants de 7 ans ne se disent pas bonjour madame, bonjour monsieur.